Without your support and donations, KFAI would not be possible. You can find more news and info about Right on Radio at kfai.org/rightonradio. You can listen to all your favorite Right on Radio episodes on Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcasts, and anywhere you stream your podcast. Please stay tuned for Bonjour, Minnesota. KFEI, we've been hearing about the popularity of mid-century modern. And we'd just like to point out that KFEI is nothing but mid-century modern. Our handcrafted radio programs are aerodynamically streamlined with music from around the world. Our exclusive online stations, programs, and podcasts at KFEI.org follow smooth, flowing contours where function is just as important as form. KFAI never follows heavy rotation or algorithm popularity for a timeless classic look that never falls out of fashion. So go to KFAI.org and click donate, because KFAI is the community's true mid-century modern voice. Available in Harvest Gold and Avocado Green. KFAI is proud to present Barn Dance at the Turf Club, featuring Trailer Trash and Friends, every first Wednesday through May of 2023. In the spirit of the original KSTP Barn Dance, Barn Dance at Turf Club is hosted monthly by Trailer Trash, one of Minnesota's premier honky-tonk bands. Performances are recorded for broadcast on KFAI. Next month's special guest, Boy Howdy, performing at the Turf Club on Wednesday, March 1st. Tickets for Barn Dance at the Turf Club can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. KFAI is proud to present the Tannehill Weavers at the Cedar Cultural Center on Wednesday, February 8th. The Tannehill Weavers have made an international name for their special brand of Celtic music, blending the beauty of traditional melodies with the power of modern rhythms. As one of the world's premier traditional Celtic bands, their diverse repertoire spans the centuries, with fire-driven instrumentals, topical songs, original ballads and lullabies, and humorous tales of life in Scotland. Tickets for the Tannehill Weavers can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir Freddy. Bonsoir Romain. Bonsoir Adrien, Romain, comment ça va? Eh bien, ma foi, ça va bien. Ouais, everything's ma foi. Everything's fine when we are at the studio. Yeah. Bon, ma foi, il est mieux que mon foie. Because... Ah bah ça, j'en sais rien, je suis pas dans ton corps. Well, been... Dieu m'en garde. Yeah, ouais, ouais. Everything's fine. Tonight, we have a special night. Because they are always special on Tuesday night, anyway. But tonight we're going to have two tickets to give away for the Minnesota Opera, mm-hmm. for La Fille du Régiment, and or the Daughter of the Regiment, mm-hmm. and so that's at the Orpheum Theater in Saint Paul. No, the Ordway. Ordway. Yeah. The Orpheum is in Minneapolis. It's on Hennepin. Now I remember. Of course, now. Couldn't you read my mind and you know well, tell I can, me before? But can our listeners read your mind? No. I don't know. No, but if you can, you can't prevent my mistake. So yeah, true. You could. I caught it on time though. So it is at the Old Way. Old Way in St. Paul. Yeah. And it's going to be Thursday night, Saturday night, and Sunday afternoon. So stay tuned, and we'll give away tickets a little bit later. We'll ask people to send us an email. Mm-hmm. And based on the time, you know, the first one who's going to get to us is going to be the winner. Mm-hmm. So it's one ticket plus one, you know, like, so you can bring a guest. Mm-hmm. And most of it is sung in French. Yeah. So well, it is. The nice. Libretto is in French, even though it's an Italian opera. The libretto is in French. So that's why we have tickets to give away. Yes. And that's why we're promoting it. Exactly. And outside of that, so we're going to listen to like three arias that was recommended by Severin, who is our contact mm-hmm. with the Minnesota Opera. And after that, basically what we're going to do, and of course I forgot to bring the sheet, we're going to listen to songs from Les Victoires de la Musique. Mm-hmm. Some people who are nominated. Yeah. So some artists are nominated like more than once, but I put some of the specific songs when the songs have been nominated, and then some of the main artists, and mm-hmm. also some of the revelations, like the new talent. Mm-hmm. Yeah, so this way, you know, we don't have like five songs of Stromae because mm-hmm. he's nominated like three times or something like that. So so that's what it's going to be. And great. We'll talk a little bit about the events because there's going to be quite a few. Mm-hmm. Nice. Yeah, movies and stuff. So that's going to be nice. All right. So I need to find my list. That would be helpful. A little bit because I don't remember. I didn't learn the titles by heart. Well, you should have. I know, I've been slacking. Mm-hmm. So we're going to listen to three songs, or three arias. The first one, and they're all from the Daughter of the Regiment. Mm-hmm. The two first actually is from the Minnesota Opera. So the first one is going to be from David Portillo, A Mes Amis, A My Friends, featuring mm-hmm. Mario Antonio Mara. Then we're going to listen to Vanessa Becerra with Chacun Le Sait, Everybody Knows. And then Pretty Yandé with Il Faut Partir. And this version is a little bit earlier. It's from 2019. So, mm-hmm. all right. Eh ben, c'est parti. Eh ben, c'est parti, mon kiki. On y va. Cantador. Je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête! Je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais me rend héros. Ah, quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, celle pour qui je respire à mes voeux à daigner sourire. Est-ce doux espoir de bonheur trouble ma raison et mon cœur? À mes amis, quel jour de fête! Je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête! Je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher. À mes amis, oui, mes amis, je vais marcher sous vos. Oh, ragazzi, militaire e mari. Et voilà. Voilà, voilà, on est revenu. We are back. Yes. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio and with Adrian, Romain and Freddy. And that was a special for the daughter of the regiment who's playing at the Old Way and not at the Orpheum. in case people would be confused. Yeah. And yeah, so it's playing Thursday night, Saturday night, and Sunday at 2 p.m. So, yeah, Minnesota, mnopera.org, and you can reserve your ticket. It's going fast. It's going really, really fast. Yep. So we heard David Portillo with A Mes Amis, featuring Mario Antonio Mara. Then Vanessa Becerra with Chacun le sait. And then Pretty Yande with Il faut partir. We have to leave. Mm. So, yeah. So take advantage of it. Last year, Carmen was fantastic. We are planning on going this year. Yeah, and so we'll tell you. L'Amant Anonyme as well. Yeah, I missed that one though. Oh, yeah. No, it did not good. See this one. Yeah. But yeah, so next week we'll tell you all about it. But that'll be too late to go. So you better, if you want to go, you better go now. Yeah. Yeah. And the tickets. Indeed. Yeah. To Minnesota. Yeah. To Minnesota Opera. So we have a pair of tickets to give away. And we'll give them after this series of songs. Mm-hmm. And then, yeah, you're just going to have to send us an email, but we are not quite ready yet. So. So get your keyboard ready. Yeah. Stretch your fingers. Yeah. And yeah, be ready for it. All right. Well, we're going to listen to more music. And as I was saying, because on the 10th, it's going to be Les Victoires de la Musique, the equivalent of the Grammy Awards in France, we decided to do a playlist based on either the songs or the artists that are being nominated. So yeah, what, we're not going to play Beyoncé here? No, because she doesn't sing in French. And I don't think she's nominated anyway. I don't think so. Not in France. But no. Well, Grammys, I mean, she could have, you know, in the Foreign Artist of the Year. There's no Foreign Artist of the Year in the Victoire de la Musique. Really? Yeah. I've seen all the categories. There's like Artist of the Year, Masculine, Feminine, oh, maybe I'm thinking of the Energy Music Awards. Yeah, Energy Music Awards. Mm-hmm. There's quite a few artists who are like from abroad or England, or I mean from elsewhere, but Victoire de la Musique is only for French artists. Yeah. So we're going to send to the two brothers, Big Flo and Oli, with Une Belle Chanson, featuring Tech. I didn't put, maybe we'll have time to play Un Coup de Vieux with Julien Doré, but we played it recently. It's one of the songs that's nominated specifically, so I picked it. But we played it fairly recently, and it's a little bit further down the list, so we'll see if we have to play it later. So Une Belle Chanson is a pretty song from their album Les Autres, C'est Nous. Oui. The Others, It's Us. And then we're going to listen to Grand Corps Malade with Ben Mazoué and Gaël Faye, the three of them. And the name of the song is Qui a kidnappé Benjamin Biolay? Ah oui? Who kidnapped Benjamin Biolay, who's a famous singer. And yeah, we don't know for sure. It's on their album Éphémère. And then we're going to listen to Stromae. And because we listened to some of the songs recently, like L'Enfer, tout ça, we're going to listen to La Solacitude. Ah oui. All right. Eh bien, très bien. On y va. Parfait. C'est parti. Pourquoi je suis pas comme dans les films, à courir, à danser avec toi sous la pluie? Moi sous la pluie j'ai froid, j'enfile mon anorak. Pourquoi je suis pas un vrai artiste, torturé, habitué à toutes ces histoires tragiques? J'aime pas quand ça fait mal, je suis sûrement anormal. Pourquoi je rêve pas de nous chaque nuit, criant ton nom dans mon lit avec la fièvre de toi? Pourquoi je pleure pas sous la lune en détresse à chercher l'adresse de ton âme à travers les étoiles? J'ai l'amour discret, l'amour simple, ça fait pas rêver, sans rose et sans flingue, pow. J'ai j'ai pas l'amour spectaculaire. Passion et folie, c'est pas dans mon vocabulaire. Non, non, je vais essayer d'exagérer, je te le promets. Une comédie musicale ou le plus beau des poètes. Avec 100 000 je t'aime en mètre carré. Comme les petits mots qu'on se passait au collège du genre. J't'ai dans la peau, dans les veines. T'es la seule qui compte, la seule que j'aime. Nous deux c'est pour toujours, comme une belle chanson d'amour. J't'ai dans la peau, dans les veines. T'es la seule qui compte, la seule que j'aime. Dis-lui pour moi t'as. Nous deux c'est pour toujours, comme une belle chanson d'amour. Dans un parc, j'étais stressé, comme si c'était la première fois. Je voulais pas faire bien habillé, ni être ridicule, alors j'ai mis un bas de survêt avec un pull. On a fait un point sur nos vies, fini de s'éviter avec des répliques toutes faites comme deux acteurs de série B. On se regardait dans le blanc des yeux, un petit froid chaleureux. On était heureux de se savoir moins malheureux, en lui disant que j'ai jamais trouvé mieux, que depuis je suis largué, mon regard croise des amoureux, comme pour nous narguer. Jamais su prendre de décision. Je regarde les films romantiques comme si c'était de la science-fiction. Rendez-vous d'une nuit, la maladie de mon époque. Avant l'amour, y'a la musique, y'a la famille, y'a mes potes. Je suis pirate, je change de ville avec le vent. Être amoureux paraît que ça prend du temps. Un R&B en anglais, un flamenco en espagnol. Mais faut d'abord trouver l'amour avant d'en écrire les paroles. On dit qu'on trouve toujours celle qui nous attendait. Et quand je serai prêt, je lui chanterai. J't'ai dans la peau, dans les veines. T'es la seule qui compte, la seule que j'aime. C'est pour toujours, comme une belle chanson d'amour. C'est toujours un événement dans une carrière. Des années de travail récompensées. Le Grand Prix revient à Benjamin Biolay. On n'a pas gagné, mais on s'est bien marré. C'était quand même historique, cette soirée. Ah, c'est cool qu'à 3h22 du matin, je sois pas seul à galérer. T'es là, Fabien ? Moi, ça fait 2 semaines que j'ose plus m'endormir, parce qu'à chaque fois que je m'endors, je fais le même rêve, horrible. Mais bon, c'est relou les gens qui racontent leurs rêves. Vous voulez que je vous raconte ? C'est vrai que c'est relou les gens qui racontent leurs rêves. Ah, insomnie générale. Bon les gars, si vous dormez pas, est-ce que vous pouvez venir chez moi là tout de suite ? J'ai quelque chose à vous montrer. Tout de suite. Donc je suis invité à cet anniversaire, mais mon père me force à me déguiser en mur. La façade. Donc, tu vois, j'ai des briques sur le corps, au-dessus j'ai un pot de fleurs. Salut les gars. Tu voulais nous montrer quoi ? Voilà, regardez. C'est la victoire de la musique de Benjamin Biolay. Oh. Album de l'année. Je suis passé devant sa loge, elle était là, sur sa table, posée. Ouais. Lui, il était en interview, au point presse, à côté. Mais bon, là-bas, c'était pour déconner, hein. C'était surtout pour vous la montrer. Et puis quand je l'ai prise, quand je l'ai eue, là, bah, je sais pas, j'ai eu envie de la garder. Ah ouais, ok, donc t'as officiellement craqué. Oh, ça va, on peut la garder quelques temps. Tu vois, je veux dire, le gars était pas vigilant, il s'est fait voler, voilà. En plus, il saura jamais vraiment qui c'est. Moi, je pense que comme personne n'est légitime vraiment pour la garder, on pourrait faire sorte de garde partagée. Très bonne idée. On va faire comme pour les enfants. Semaine A, semaine B, semaine C. Et pendant que j'y pense, moi, si je peux l'avoir la semaine du 26 mai, parce que j'ai mon oncle et ma tante qui doivent passer. Ouais, non, mais moi, j'approuve carrément pas. Ah, c'est bon, Gaël. Allez, venez, on va boire un coup. On va trinquer à Biolay. Elle est en quoi cette victoire, là ? Parce qu'elle est lourde, hein ? Monsieur, je lève mon verre. À Benjamin Biolay. Et à la superbe. Ah oui. Ah ouais, la superbe. Quelle chanson. Ouais, et rien que pour celle-là, on devrait lui rendre. Ah ouais, tu lâches pas l'affaire, quoi. Non, j'en fais une question de principe. Et on va lui rendre ce soir. Ouais, c'est qui ? C'est Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué. On voulait savoir, est-ce que tu peux descendre ? Désolé de te déranger, on a un peu merdé. On est là tous les trois, on a un truc à te rendre. C'est bon, les gars, il arrive. Il a l'air un peu vénère. Mais bon, il descend, c'est le principal. On lui rend sa victoire, on n'en fait pas une affaire. Laissez les gars, c'est moi qui lui parle. Toi, Ben, t'es bourré, tais-toi. Salut. Salut. Ah ben, désolé, hein, j'imagine que tu sais pourquoi on est là. Eh, tu sais pourquoi t'as gagné ? T'as gagné parce que t'as appelé ton album Grand Prix. Ah ouais. Tu vois, moi, le prochain, je vais l'appeler Gros Lot, mon album. Ah ouais, moi aussi, je vais gagner. Rends-lui, lâche la victoire. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, c'est bon, tu me touches les cheveux là. Je crois qu'il est bourré. Vas-y, il fait ça. Tire les cheveux. Ah, mais qu'est-ce que tu. En plus, plus, Arrête de pousser là. Mais putain, Gaël, pourquoi t'as fait ça? Oh la vache, tu l'as mis la victoire dans la gueule. Mais putain, tu l'as tué, regarde, il bouge pas. Si, si, il respire encore, mais faut pas le laisser seul. Gaël, tu fais chier, mais pourquoi, putain, pourquoi? Oh, ça va, toi, j'ai pas fait exprès. Il allait étrangler Ben, tu voulais que je fasse quoi? C'est parti tout seul, il nous manquait de respect. J'ai pas fait exprès, c'est parfait comme excuse. C'est parti tout seul, ça c'est pas mal aussi. Ça va très bien passer quand tu seras devant le juge. Ah ouais, c'est nickel, vraiment Gaël, merci. Ah d'accord, parfait, on me laisse tomber. Je vois que c'est dans les vraies épreuves qu'on se reconnaît. Je rappelle que rien de tout ça serait arrivé ce soir si personne n'avait volé cette putain de victoire. Ça va, c'est de la faute de personne, pas de panique. On va régler ça calmement et tous les trois. Ben, t'es médecin, c'est quoi ton diagnostic? Il se réveille dans deux minutes ou c'est plus grave que ça? Non, j'appelle le 15, y'a du sang qui coule de l'oreille. Arrête, on n'a pas le temps, j'entends des gens qui viennent. Regarde ces pupilles, je t'assure que c'est pas du sommeil. Venez, on le porte dans ma caisse et on l'emmène. Ouvre la portière qu'on le mette sur la banquette arrière. Laisse tomber, j'ai les sièges bébés, ça va être une galère. T'as les retirer. 7 heures à les installer, je te jure, c'est un calvaire. Il faut bien qu'on le mette quelque part, qu'est-ce que tu veux faire? On va le mettre dans le coffre. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, je prends un peu de recul, je veux pas vous affoler. Il est 5h du matin, on roule en plein Paris, et on a dans mon coffre Benjamin Biolay. Il faut arrêter les conneries, là. Faut foncer à l'hosto. Ouais, mais aux urgences, on va se faire arrêter. On le dépose devant la porte et on part incognito. Non, les gars, j'ai une meilleure idée. Qui a kidnappé Benjamin Biolay? La question est sur toutes les lèvres. Et ce matin, l'affaire connaît un incroyable rebondissement. Un message diffusé par les ravisseurs. Ils libéreront Benjamin Biolay si celui-ci leur cède les droits de sa célèbre chanson, La Superbe. Quelle étrange demande. Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant? Un resto, un week-end. C'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. De lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. De solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Et voilà. Voilà, voilà. Bravo. We're back with those three songs from the Victoire de la musique. Exactly. So still on Bonjour Minnesota, where you can discover new things, older things. Tonight is new things because les Victoires de la musique or the Grammy Award are celebrating, you know, most of the things from 2022. So they are celebrating artists, men, women, revelations, men, women, and best album, best song. What else is there? Best video. Mm-hmm. There's the artist who had the most streams. Mm-hmm. And Angèle is... Hervé Villard. Ah non, Angèle. No. Angèle pour le... Yeah. And Hervé Villard is not in the feminine category yet. Mm-hmm. And... By the way, I'll be at the Francophonie de La Rochelle. Really? Hervé Villard, yeah. Wow. Well, ils font les fonds de tiroir. Hein? C'est pas gentil de dire ça. Nino is the artist also. That's Nino. Nino had the most streaming with his album Refé. Okay. So what did we listen to here? And do you know what category they were? More than one. Big Flo and Oli are nominated for like artist of the year, and for they have one song too that is nominated, like Good View. Then with Grand Corps Malade, the three of them are nominated for Artist of the Year and also for a song which is, I don't know, or maybe a concert. No, because I would have put the song otherwise. Yeah. So yeah, the second one concert. Was really interesting, Grand Corps Malade. It was really graphic. Yeah. It was like Ben Mazoué and it was very well Gael done, Faye. Written like they shot someone on stage and and they were arguing over why they were there and what happened. Yeah. It was very interesting. It reminded me a little bit of, you know, movies like La Haine or certain like, you know, scenes like that. It was nearly cinematographic, but when he becomes chaotic. When he becomes chaotic everything is what going. What you do, Gael? I don't know. And they use their first names as well, mm-hmm. So it makes it even more like realistic. Realistic, yeah, exactly. Yeah, yeah. And the last one was Stromae with La Solacitude. Oh yeah, yeah. It felt like it. Mm-hmm. Yeah. I think La Solacitude was the song that Stromae sung, I don't know if it was live or not, but during the Energy Music Awards ceremony, he was in Vancouver for, his North American tour. And I think they recorded a live performance for the Energy Music Awards. Yeah. And I think that was the Solacitude that he sang. Okay. And I think he will be again this year in Coachella. Okay. Angèle is going to Coachella. Is she? Yeah. Yeah. So yeah, and the three of them, like so, Gael Faye, Grand Corps Malade, and Ben Mazoué, Big Flo and Oli, and Stromae are in the male artists. Okay. Also, nomination. Yeah. Very cool. Well, thank you. That was a great batch. What? Well, what's next? Let's have another batch. But I would like to open the email for people who want to go. So we have a pair of tickets to go see The Daughter of the Regiment, thanks to Minnesota Opera. And we could have done better, but unfortunately we are not going to be able to have some of the cast like we did last year, you know, interviewing and things like that. But we have the good news that maybe there's going to be more French opera maybe next year. So we'll make sure we're on par and we can have some of the team with us and talk about the show and talk about the opera and things like that. So, So if you want the tickets, just tell me in an email or tell us that you want a ticket for the Minnesota Opera, and you have to send it at bonjourminnesota@gmail.com. Mm-hmm. So it's 8:38, and go for it. And first one I receive is going to be the winner. Yes. And there's still three representations. So Thursday night, Saturday night, and Sunday afternoon at 2:00. Mm-hmm. So now we're going to listen to Angèle. And I picked the song Amour, Haine et Danger. Love, Hate, and Danger. From her, new edition of her album. 95, La Suite. Yeah. Then we're going to listen to Isia with Tristesse. And it's from her album La Vitesse, The Speed. And then from Pomme, we're going to listen to Septembre from her album Consolation. And these three ladies are nominated for Female Artist of the Year. So the songs are not specific. I picked songs from their latest album. So, it kind of makes sense. But, on y va? Oui, c'est parti, mon kiki. En avant, Guingamp. Guingamp. Mm-hmm. Dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, l'étanger et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'est tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. J'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher. Dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide. Tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. Que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, haine et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher. Dans un objet. J'ai vu la mort, j'ai combattu mes peurs au soleil. J'ai cru à l'amour sans faille et sans pareil. J'ai voulu tout comprendre mais j'ai pas soufflé. J'ai pu toucher la grâce et la beauté de l'avenir. J'ai vu les astres, j'ai pu chercher à fuir. Mais quoi que je fasse, y'a que ce fond qui m'attire et m'attire. We'll be right back. septembre reviendra. Bon anniversaire. Brûler les cendres, tu vois. On peut tout laisser derrière. C'était trop à la fois. La mer prendra soin. Et voilà, we're back. Indeed. And we have a winner. And Mr. Barnes is the person who was the first one to email bonjourminnesota@gmail.com. Are you sure it's Barnes? It could be Barnes, or we don't know. Could be Barnes, yes. Mm-hmm. I guess it would be more Spanish, a Spaniard. Barnes. Si. Si, si, si. Félicitations. Yeah. Félicitations. Bravo. Yes. Yeah. So, just, I have the information, so I'll send them to Minnesota Opera. And did Mr. Barnes say what performance? No. They wanted to go to? No, he doesn't. Because there are only three performances, Thursday night, Saturday night, or Sunday afternoon. No, but he says like, yeah, he doesn't specify. And but follow up. Séverin is gonna follow up with him. Okay. And to know which one he wants to go. But he says, merci, j'adore la radio. Bonjour Minnesota. Tous les mardis soirs, la radio s'allume automatiquement dans mon salon. Mm-hmm. So thank you. I love Bonjour Minnesota. Every Tuesday night, the radio is automatically turning on in his living room. Yeah. And he said that Freddy is the best and the other two is not sure, yeah. Especially like the Roma, but okay, no, I'm making it up. All right. Well, let's talk about the music we just listened to. He falls asleep listening to your voice with podcasts. All right. We just listened to Angèle with Amour, Haine et Danger. After that, it was Isia with Tristesse. And just now was Pomme with September. Parfait. It's apple season. Yes, yeah. It is indeed. Because Pomme means apple. Pom, pom, pom, pom. All right. Should we listen to more music? Ben oui. Oui, mon neveu. Je okay. veux, mon neveu. We're going to listen to Pierre de Maher with a song called Menteur. Uh-huh. Then we're going to listen to Jacques with Pourquoi c'est comme ça? Why? Menteur means liar. Pourquoi c'est comme ça? I mean, why is it that way? And Luigi Pekka with Poupée Russe. Okay. Super. Super. All right. And after this little announcement, the music will come. The next record show is February 11th at the Hook and Ladder Theater near the corner of Lake and Minnehaha. Pas que j'idéalise, pas que je romantise nos dialogues et nos fous rires, non. mais plutôt rester réaliste. Surtout pas que je m'enlise dans mes rêves qui n'en finissent pas. Mais c'est comme tomber du ciel. Tu sais bien, chaque fois je les chasse et ils reviennent plus fort. Ça fait 100 fois cette semaine, ce soir j'y pense encore. Hey. Avant la nuit, tu me prends dans tes bras tendrement. Tu m'expliques lentement que la vie est ainsi faite. Que rien ne sert de se lamenter inlassablement. Puis tu m'offres une dernière danse. Hey. Maman, je mens, je mens. Et je me mens à moi-même. Des fois je triche un peu. Je plonge lentement. Ça te fait de la peine et tu mérites mieux. Pas que tu diabolises mes rêves et mes dérives. Toutes ces dames et leurs caprices, non. Et tu sais bien que ça m'attriste un peu. Ce regard dans tes yeux, promis je fais de mon mieux. Maman, un jour je serai une superstar. Sortirai super tard, même tu feras super noir. Et quand j'aurai brisé mon seul espoir de me trouver une histoire, alors je reviendrai te voir. Hey. Comme avant, tu me prendras dans tes bras tendrement. Tu m'expliqueras lentement que la vie est ainsi faite. Que rien ne sert de se lamenter inlassablement. Et m'offriras une dernière danse. Maman, je mens, je mens. Et je me mens à moi-même. Des fois je triche un peu. Je plonge lentement. Ça te fait de la peine et tu mérites mieux. Maman, je mens, je mens. Se transforme sans cesse, se retrouve toujours vide de sens. Deviennent de l'histoire ancienne avant même d'entrer dans l'existence. Je vois des gens qui meurent, je vois des gens qui changent, je vois des gentils et des méchants qui se mélangent. Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça. Mais je sais, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça. Grimace sur le visage d'en face, j'ai prononcé ton mot de passe. Des os de briser la glace. Je suis cash mais c'est mon mode de pensée. Y'a des gens qui rient, y'a des gens qui pleurent, y'a des sentiments qui reviennent en replay. Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça. Mais je sais, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça. Poupée russe. On ira voir la mer quand fais l'autruche. Je sais que tu vis en enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Elle a du venin sur les dents, mais pas de sang sur les mains. On n'est pas si différents quand elle prend ses médicaments. Personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade. Moi aussi on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. On ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis en enfer. Viens je t'emmène, ma poupée russe. Sur le jardin d'Éden, la main sur la plaque pour voir ce que ça fait. Et tant pis quand on chante, s'ils écoutent à peine. Elle dit que les médecins sont des menteurs, qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs. Qui a raison, qui a tort? Je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage, dans le creux de la vague, on chante encore. On ira voir la mer quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis en enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Oh, on ira voir la mer quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis en enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. And yes, it's not just in French. So you hear some English here on the radio with us tonight. We have Freddy, Romain, and Adrian. And we were listening to des Victoires de la Musique nominations playlist. The talents of French composers and singers. For 2022. So we just listened to Pierre de Maher with Menteur. After that, it was Jacques, which I really like his album. Mm-hmm. The whole album is great. Pourquoi c'est comme ça? And Luigi Pekka with Poupée Russe. And Luigi Pekka, if we have time, we might be able to listen to another song. Cool. Yeah. So let's talk a little bit about the events. Tomorrow, there's Les Navigateurs de la Littérature with the Alliance Française. It's at 7 p.m. It's an online event, and it's a book club. So all this event is on our Facebook page, if you want more specifics, or at the Alliance Française website, afmsp.org. And as we were saying earlier, and we put a pair of tickets to win, and thanks to Philippe Barnes, and he won. It was another couple of emails also. Mm-hmm. Thank you very much for participating. So the Minnesota Opera is playing right now. They started last Saturday, and they're going to play Thursday night and Saturday night and Sunday afternoon. So at the Ottaway Center for the Performing Acts. Then this Saturday at 9:30, there's going to be Les Jeunes with the Snow Tubing at the trailhead with the Alliance Française. So it's a teenage club. Mm-hmm. And tubing. Yeah, tubing. Tubing or not tubing? That's the question. Yeah, that's some sliding. I don't know. I mean, like Bess. And if he keeps on being like 35 all week or 34, it's... Well, I mean, you can tube on grass. I guess. Mm. Yeah. So we'll see. But it's for the teenagers, and typically for this club, it's sponsored. Mm-hmm. So yeah, it should be fun. It's at 9:30, but you need to RSVP. So check on afmsp.org. Then this Saturday also, there's going to be a French 75 Valentine featuring Maud Ixon. And it's going to be at the Crooner Super Club. Mm. So Saturday from 4 to 5:30 p.m. You can find the event on our website. There's going to be a lot of French songs plus some jazz and that sort of thing. So that should be nice. And Paris at a Hot Club on Sunday. Mm-hmm. music for brunch at Hell's Kitchen. So that should be fun. Hell's Kitchen, and it's between 10 a.m. and 1 p.m. And you just go there and eat. So that should be nice with Rob Henry. Mm-hmm. And one of the things I wanted to talk about also, real quick, is that, as I was saying before, there's a film festival, Tournée Film Festival in Collegeville with Saint-Joseph. And the first movie that's going to play is going to play on... It's going to be Les Illusions Perdues, or The Lost Illusions. Mm-hmm. And it's on Tuesday, February 14th at 6:30 at St. John's University. And they say Alcuin 170. So I'm assuming it's kind of a room or something like that. Yeah, Les Illusions Perdues won most of all, I mean, like 8 or 9 César last year. Oh, did he? Yeah. Oh, wow. Cool. Yeah, and it was presented also at the MSP International Film, MSPIF. MSPIF. Last year, I couldn't go, but yeah. Yeah, that's funny. I didn't, you know, I really focus on, because they're going to play the Happening mm-hmm. also. Oh, yes. Which uh-huh. I've seen during the MSPIF, yeah. but mm-hmm. Les Illusions Perdues, no, ça me dit rien. It doesn't ring a bell. I'll mm-hmm. check it out. But we're probably going to have them on the phone for an interview. Mm-hmm. And it's probably going to be pre-recorded or something like that, because it's not always easy for someone to call on Tuesday night. Mm-hmm. Plus, I don't know how to use this stupid phone. So we might do like a Zoom session mm-hmm. on the weekend or during the week or something like that and record it. And they're going to talk about the festival, because it's going, it's once a week. So it's going on February and in March some as well. All right, well, that's it for now, at least as far as event goes. And we're going to put more music. So we're going to listen to Tiakola with Parapluie, or, you know, Umbrella. Then we're going to listen to Mantissa with Paris-Bruxelles. Mm-hmm. So it's like, you know, the trip between Paris and Brussels. And November Ultra with Doux et Tendre. And November Ultra... Her whole album is in English, except for that song, and that song is not even in the album. It's the French version of the main song in the album called Soft and Tender. So we're going to listen to all of that. Where is my page with Les Victoires de la Musique? So for the Mare Revelation, it was Tiakola, Pierre de Maher, Luigi Pecca, and Jacques. Those are the people in competition. And Female Revelation, Mantissa, November Ultra, and Emma Peters that we listened to recently mm-hmm. and that we, I think I have a song schedule as well. So was it Emma Peters that did Le Coup de Soleil? Yes, yeah. She did that cover too. All right, on y va? Eh bien, c'est parti. Avant la haine, la valise passe devant la douane. Mais jamais brûler les étapes. Surtout quand on connaît son poids. On va se rendre disant qu'on a qu'une vie. Surtout quand on est mal. La France avait besoin de moi. Donc rajoute une troisième étoile. J'en ai des grosses pertes. Je crois que je ferai pas de constat. Devenir un moteur. Que du tas jamais de non-stop. Abandonné, j'ai mis trop de temps. Donc avant d'aller, j'ai réfléchi. Avant la nuit, je me suis dit, je peux pas abandonner tous mes obstacles. Dans les beaux moments, je souhaite la santé. Aujourd'hui, ça devient un problème. Mais faut détendre l'atmosphère, car y'a pas mal de thé sur les autres sphères. Bien ressentir ce que je pensais, j'aimerais bien revoir tout ce qui s'est passé. L'avenir est déjà tracé, ne sois pas surpris devant la transat. Pas un mot, il valide ce qu'on fait, c'est du CV. Pas besoin de faire un movie, ça débute toute l'année sous Covid. Et ceux qui pensent qu'on a les devis, t'inquiète pas, on reçoit des devis. Devant la police devient novice, je le viens à Madrid, tu le neuf. C'est vrai qu'on s'arrête plus, le gamin c'est rapide. Dehors il pleut des balles, j'ai déjà prévu mon parapluie. C'est vrai que parfois on s'est raté, souvent on s'est retenu. Avec lui mettre la bague, je suis resté sur mes appuis. J'attends pas tout ça pour qu'on me respecte, moi. Et pour notre bien, s'il te plaît, reste loin de moi. Au final, je dois que compter sur moi. Et pour notre bien, s'il te plaît, reste loin de moi. Au final, je dois que compter sur moi. Vrai qu'on s'est raté. Souvent on s'est retenu. Veulent me faire la bise, je veux pas leur faire. Rien à foutre, j'suis pas des leurs. Que des méchants caractères. C'est dans la tête, c'est ça le thème. J'arrive avec un nouveau geste pour faire du bruit dans le stade. Ils disent que ça les dérange quand tu fais pas de stade. Ils croquent la pomme, laisse-les croire, ils font pas le poids. Toutes les blessures sont dans le dos. Tous les outils sont dans le coffre. Plus qu'un pâté de sale vie, car c'est toujours le proche, celui qui t'offre. J'parle même pas de ceux qui doivent. Tous ces sous, ils font la teuf, et c'est détemporisé. Et je me sens pas chez moi. Dehors, il pleut et faut rien laisser. Mais j'ai coffré mon parapluie. Je suis venu te voir, comme ça, sans trop savoir. Non pas que j'aimais pas mes rues et mes trottoirs. Et puis tu m'as gardé, et j'ai déménagé. Mon cœur et mes histoires, j'ai un gars de chez toi. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Dans le Thalys, c'est ma vie que j'emmène. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Et on verra bien où tout ça nous mène. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Peu importe la couleur du ciel. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Mon cœur est assez grand pour aimer deux villes, alors je m'en vais, je sais que tu m'attendras. Bruxelles, écoute-moi, j'ai deux, trois choses à vivre. À Paris, y'a des gens qui m'ont tendu les bras. Et ça fait des semaines que je traîne mes valises. Et j'ai trouvé une maison, j'y ai mis une armoire. J'ai les cartons remplis et tant de choses à lui dire. À ce gars de là-bas, tu la connais l'histoire. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Dans le Thalys, c'est ma vie que j'emmène. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Et on verra bien où tout ça nous mène. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Peu importe la couleur du ciel. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Dans le Thalys, c'est ma vie que j'emmène. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Et on verra bien où tout ça nous mène. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Peu importe la couleur du ciel. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Couleur du ciel, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. There's a million things I want, but there's one thing that I need. It's to see your face tonight when I'm dreaming. There's a million things I want, but you're the one thing that I need. I gotta see your face tomorrow when I'm waking. Avec toi, my darling. It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me. With me. It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me. Tendre. We just listened to three songs. We just listened to November Ultra, Doux et Tendre, Révélation, Victoire de la musique en France. And before that, And before that, we listened to Mentissa, Paris-Bruxelles, and Tiakola with Parapluie. Voilà, voilà. That was another good selection. It was, yeah, it was. I didn't know November Ultra, and that was actually pretty good. So yeah, it's different. It's different. Yeah, it was soft and a nice lullaby. How did you like my dish? Well, it's different. No. Okay. I'm not Minnesotan. So, it's different. Yes, some appeal. Très bien. Well, we're going to listen to something that we already know, Emma Peters. We've been listening to her here on Bonjour Minnesota a few times, and we're fans. As Romain mentioned, Les Coups de Soleil was one of the songs that was covered by Emma Peters. But today, because we are going through Les Victoires de la Musique, nominations, we are going to listen to her song Les Rues de ma Ville, mm-hmm. and then we'll listen to Nino with the song No Life, and the last one song will be Jeanne Added with the song By Your Side. So without further ado, c'est parti. Eh ben c'est parti, mon petit kiki. Je traîne dans les rues de ma ville, des flashbacks de ton corps nu qui défile. Est-ce que t'appelleras demain? Je suis en manque de ta peau contre mes seins. J'ai passé le week-end dans tes bras, tes cheveux qui s'en mêlent sous mes doigts. Le souvenir d'un peau contre peau, je me transforme en Rio Negro. Normalement t'es pas mon style, mais j'ai flashé sur ta cambrure latine. Dans ma tête c'est le carnaval, dis-moi que c'est un peu plus qu'amical. Je jongle avec le mal, je fais rarement le bien. Tous les soirs on fait du sale, on se dit que c'est trois fois rien. On est jeune, on est con, alors pourquoi faire attention? On s'en souviendra pas demain, alors recommençons. Et je traîne dans les rues de ma ville, des flashbacks de ton corps nu qui défile. Est-ce que t'appelleras demain? Je suis en manque de ta peau contre mes seins. Je veux un aller simple au Brésil, le temps que mon cœur me laisse tranquille. J'ai peur de t'aimer parce que je l'ai jamais fait. J'ai peur que tu m'aimes, je crois que c'est ça mon problème. Je préfère faire n'importe quoi, tellement plus facile comme ça. Mais quand je m'endors avec toi, je rêve des couleurs de Cuba. Je jongle avec le mal, je fais rarement le bien. Tous les soirs on fait du sale, on se dit que c'est trois fois rien. On est jeune, on est con, alors pourquoi faire attention? On s'en souviendra pas demain, alors recommençons. Et je traîne dans les rues de ma ville, des flashbacks de ton corps nu qui défile. Est-ce que t'appelleras demain? Je suis en manque de ta peau contre mes seins. Je veux un aller simple au Brésil, le temps que mon cœur me laisse tranquille. J'ai mal à la tête. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sauf face à la jalousie. Rêve. Sur face à la jalousie, on fait du bénéfice pour le confort. Y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours. J'ai des plantes trop juste dehors. J'suis plus près de la quiche, t'as près du four. C'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Hein. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte trois plaques. Ligo et j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Hey, rêve, trèfle et on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. J'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est que je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Jamais c'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Chef. Toujours rêvé d'être dans le top, sur face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juste dehors. J'suis tout près de la cuisse, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte trois plaques. Bigo, j'peux pas me pétard, ça n'est que mon cardio, j't'éteins ce soir. Remplis de ce vide, je les ai cramés, je suis en pétard. Trèfle, trèfle, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. Tout se passe comme prévu. C'est peut-être le prix du blouson. Tout ça c'est le destin. Chef. Après ça on devient des chefs. Ouais. Banks. Chef. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas. Tout ne va pas bien. Mais ce n'est qu'un au revoir. Au moins jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas. And we're back on Bonjour Minnesota. Indeed. Oh, et voilà. Oui, nous sommes là, fidèles au poste. Fidèles au poste. Voilà, en sortant de l'ambiance de Jeanne Added. Is that how you'd pronounce it? Added? No, Added? That's how I pronounce it. I don't know if. I don't know any difference. You should ask her. Voilà. On lui demandera. Mais bon, she said au revoir, so. We just. Goodbye. Voilà. By Your Side was the album 2022. Just listen to Jeanne Added. And before that, it was Nino with the song Jefe. It was kind of an interesting message saying he's not working for money and that every night in your life you should try and learn something new. Nice message there, especially during Black History Month, I guess. I mean, that reminded me of that message. And then before that, we listened to Emma Peters with Les Rues de Ma Ville. Beautiful song, I think, according to me, as usual. I'm a great fan of Emma Peters. I think she's they're very talented, mixing a little bit of electro with some bossa on this song. So that was delightful. Great selection, Fred. Thank you. And I conquer. You conquer. Thank you. Thanks, Romain. Okay. I have two announcements about concerts. All still right. Coming up. Café Accordéon Orchestra will be at the Dakota Jazz Club Wednesday, February 22nd at 7 p.m. And it's sponsored by KFAI. And probably going to have tickets for it. And the other event where they have much in common, because the violin player is the same, Eric Moore. The New Riverside Ramblers are going to play on, that's not the right date. Yeah, it says May 23rd. That's not May 23rd. Maybe that was a different year. Oh, 2016. Yeah, that's not the same one. I believe it's February 28th. They're going to play for Mardi Gras at the Eagles 34. Mm-hmm. And it's around 7:30. So that's all I had to say. Cool. Well, thank you, Fred. Romain, any announcements? No. Not right now. Not for now. Okay. Well, I guess I have another one. French Influences 121 is out. And woo-hoo. For your listening pleasure. Excellent. Well, I want to hear some Air. We were just talking about Air, the French band. Mm-hmm. There's none earlier. There. There's new electronic bands, though, on 121. Yeah. Yeah, I guess Air has been around for a while, at least since the 90s. So, we have three more songs coming your way. So open up your ears for Clara Luciani singing Cœur. Mm-hmm. Which is nominated as Song of the Year. Yes. And then we'll listen to Juliette Armanet with Flamme. And finally, Stromae, L'Enfer. Aha. Eh bien, c'est parti. Mon kiki. Ou mon frère. T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. KFAI is proud to present Ayaterra at the Turf Club on Tuesday, February 28th. Bringing a modern conscious approach to songwriting, Ayaterra crafts messages in love and respect. Currently based out of Los Angeles, their powerful reggae rhythm section provides the heartbeat over which scintillating guitars and soothing vocals float melodies of universal resonance. Article Sound System and Sound Dub open the show. Tickets for Ayaterra can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. KFAI is proud to present Beyond the Blue, a night of cinema and sounds at the Cedar Cultural Center on Saturday, February 11th. An immersive evening into sonic and visual beauty Beyond the Blue, curated by Pieta Brown and Liz Draper. The program will feature musical sets by Aida Shagasemi, Chama Devora, Sarah Pajunin, Mind Songs, and Piero Brown's instrumental project, Sylvie and the Sea. Tickets for Beyond the Blue, a night of cinema and sounds, can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. And we are back on Bonjour Minnesota. On KFAI Radio 90.3 FM. With Adrien, Romain and Freddy. Live from Studio 4. So we just listened to a few more songs. We listened to the constant, amazing Clara Luciani with Cœur. I don't think she's listening, so you don't have to suck up that. Yeah. And then... Well, you would be surprised. And then she might go in the archives. I think Clara Luciani is a kind of listener that goes to the archives on Wednesday morning, you know, where you can find the show on KFAI and like, yeah, this is all right. Ah, c'est Adrien. This is good. Yeah, this is how we get all the donations to keep that song. Anonymous donator. More seriously, we'll remind you that KFAI is supported

if you don't have any plan, or you know, you're coming back from your date and you listen to us in the car, it's going to be love songs. Voilà, love songs for Valentine's Day. So have a happy Valentine, and we'll talk to you soon. Have a good night. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. And this is Stromae with Fils de Roi. Être seul, c'est difficile. Et là, ça fait des années. Et de juger, c'est facile. Surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah, c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai.